L'association d'amitié Back to Sun Tchèque-Corée a publié le 1er juin une déclaration contre l'enlèvement collectif de nos citoyennes par les autorités sud-coréennes.